Hâte à l'année prochaine. La Barberie, 19 ans, bientôt 20. Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté à la mise en onde, Marc Chaunet au choix musical et à l'animation, pour un 2 heures de bon rock progressif. Merci à Jacques Dulac qui nous a remplacé la semaine dernière, période de vacances. Alors, étant donné que j'étais en vacances depuis 2 semaines, je m'étais apporté une petite pile de disques là, pour écouter en voiture. Je vous proposerai les deux premières pièces en fait qui sont des pièces coup de cœur de cette année qui sont en lien avec le festival Terra Incognita. Il y a eu tellement de bons groupes cette année comme à l'habitude et j'avais plusieurs disques en tête. D'ailleurs, il vient de sortir un nouveau numéro du magazine Terra Incognita, c'est le numéro 46. Alors c'est tout chaud sorti des presses et on y parle évidemment un petit peu du festival Terra Incognita et également des entrevues avec Il y a Matthew Parmenter pour son nouvel album. Il y a également Fabio Zuffanti qui nous parle de Ost Sonaten. Ça, c'est aussi un album que j'aime beaucoup écouter. On apprend un peu d'où provient cette composition-là. Il y a également Ron Stolt qui nous parle de sa collaboration avec John Anderson. Matthew Parmenter, comme j'en ai parlé, qui participe aussi au disque The Tiles, le nouveau disque de Tiles que Michel vous a présenté précédemment. On y parle évidemment des RPVL qui ont interprété Pink Floyd. C'était vraiment incroyable la première soirée du festival. Il y a une entrevue avec Unreal City. D'ailleurs, Unreal City, pour ceux qui étaient là-bas au spectacle cette année, vous avez pu j'espère que vous êtes procuré le DVD que j'ai écouté avec grand bonheur. Ces musiciens-là sont passionnants et c'est vraiment excellent. C'est le DVD Resta Solo Quiero Que Non Cabia. Ça a été enregistré en début d'année hein, au Frog 2016 et c'est vraiment excellent. J'aurai une pièce de ce disque en fait qui vient de leur plus récent album Il Paese del Tramonto, la pièce Il Nome Daily, que j'ai adoré au spectacle et en écoutant le DVD, j'étais absolument dedans, c'est très bon. Donc, on New City, et pour débuter l'émission, Able Gans, et ça aussi, j'ai beaucoup aimé leur spectacle. Et quand je réécoutais l'album la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, on dévore cet album-là, 70 minutes du début à la fin, et c'est drôle parce que la pochette, là, c'est des paysages de neige avec une route, là, c'est vraiment pas, mais pourtant, c'est tellement un album à écouter d'été, je trouve. Et on aura l'excellente pièce Unconditional de Able Gans pour débuter l'émission ce soir. Again and again, the reasons always so very clear. pieces they stole to make the picture a whole reclaiming to recognize. White noise, tear it up. Extremes to kill the hurt, shatter the circle. The reason's so very clear. To find your way back home, to put an end to the drone of voices. Understood. Inside each moment, day on day, a new way rolling in, detached from all that's been holding you under. But will you let it go?

respiravo dai suoi occhi e dalle labbra la paura, il grido di un cervo, il cadere della neve, s'arrestavano irreali. Non ero io a guardarla mentre fredda alla morte s'arrendeva. Il mostro che vidi riflesso nei suoi occhi non ero io, con le mie mani strette attorno al suo collo. Le groupe italien Unreal City, tiré de leur plus récent album Il Paese del Tramonto, la pièce Il Nome Daily. Si vous voulez voir ce qu'ils jouent aux émissions, n'hésitez pas à consulter notre site web www.terrainconita.quebec et vous aurez accès également aux autres informations sur les spectacles qui donc dont le super festival Terra Incognita. Parlant de magazines, je reviens sur ça. Il y a pas mal de chroniques sur des disques rock progressif italiens sur ça. Gracieuseté de notre collaborateur Jean Roby et des chroniques de disques. Il y a également une entrevue avec Paul Bremner pour la sortie de son album avec évidemment plusieurs collaborations de Iz. Également une entrevue avec Inner Odyssey et des chroniques de disques. Numéro 46 donc du nouveau magazine Terra Incognita. Parlant de spectacles qui s'en viennent, on aura bientôt la semaine prochaine, le 28 août, à l'Anti, il y a Universe Effects. Jean-François en a fait jouer la semaine dernière avec Contemplator. Ça, c'est le Prog Night. C'est 10$ en pré-vente, 12$ à la porte. Il y aura également le 3 septembre Aiken au Cercle. Ensuite, il y a Mystery le 2 octobre au Cercle également. Alors, on aura une pièce de Mystery. On aura également une pièce de Martin Barr, puisqu'il est, vous savez que c'est lui qui a été le guitariste de Jethro Tull pendant de nombreuses années. Il en est maintenant à son 6e album solo. On aura un extrait, là, juste après l'intervention, de son nouvel album qui va paraître le 18 septembre officiellement. Back to Steel. Il y a sur ça une dizaine de compositions originales et deux reprises de Jethro Tull. On aura une pièce justement qui est une reprise Skating Away à sa façon, vraiment reprise à sa façon. Les albums précédents, il y en a eu un où il faisait plusieurs pièces aussi de disques tels Benefit et un grand extrait de Thick as a Brick et plusieurs autres évidemment succès. Évidemment, il a été une grande partie dans Jethro Tull pendant de nombreuses années, de Martin Barr, donc salle Sylvain Lelièvre. Ensuite, le 19 octobre à l'Impérial, il y a Dweezil Zappa. Il y a pas mal de bons shows qui s'en viennent encore. Le 5 octobre, il y a Les Prousses dans le Prog UEV. Symphony X, le 4 octobre, à la salle Multi également. Alors ça, c'est le salle Multi, c'est un peu plus élevé, pour la scène Prog de Québec et du Québec. Et il y aura avec Illward puis Universe Effects avec Symphony X. Alors, on poursuit en musique avec donc Martin Barr, tiré de son plus récent album là, qui va paraître bientôt. C'est une exclusivité. Skating Away, on aura la Mystery, tiré de leur plus récent album, la pièce éponyme Delusion Rain. On a également House, puisqu'ils feront un spectacle le 27 janvier au Cercle avec Julien Vachon, un artiste de Montréal, en première partie. Les billets sont déjà en vente. Donc, le 27 janvier, House, on aura tiré de Nether in Heaven, leur deuxième disque, paru cette année. La pièce Synesthesia. Mais tout d'abord, Martin Barr. Cause you were bred for humanity and the soul to society. One day you'll wake up in the present day. A million generations removed from expectations of being who you really want to be. Skating away, skating away, skating away on the thin ice of a new day. As you push off from the shore, won't you turn your head once more and make your peace with everyone? For those who choose to stay, will live just one more day to do the things they should have done. And as you cross the wilderness, spinning in your emptiness, you feel you have to pray. Looking for a sign, the universal mind has written you into the passion play. Cross the circle line, the ice will crease behind. You're a rabbit on the run. And the silver splinters fly in the corner of your eye, shining in the setting sun. Well, do you ever get the feeling that the story's too damn real and present tense? All that everybody's on the stage, and it seems like you're the only person sitting in the audience. Skating away, hey, skating away, hey, skating away on the nice of the new day. Sorrow. while slowly losing ground. I'm here now, you're here now. Least that we can do is stand for what we think is right. And suits and ties. They brag about the promised land, backstabbing knives in their hands. They eat right from your table, spending you know. Children cry. I'm here now, you're here now. The least that we can do is stand for what we think is right. You're here now, and we're here somehow. The best that we can do is fight. on my behalf. Prisoner of these chains, looking for a savior, will be the same. Everything is going too fast. Struggle to look into the past. Chasing the line between the dots, a grain of sand lost among my thoughts. Try to figure out what's wrong. Shape of things beyond the door, beyond the door. Centuries of mankind, a walk in the morning, dreaming absolutely about nothing. Grass is covered by dew. I close my eyes and ash upon. Some weird mornings nurtured by a night of memories. This night everything was possible when everything was in the crucible. This moment when you managed to make characters of your dreams, but you can't answer why. When order becomes confusion, when the chaos becomes the norm. Plans fail, when your scheme fails, when your mind fails, when your sketch fails, when layout fails, when method fails. Beyond reason, without this there will be much confusion between the screen and your mind. There's nothing you can find. wonder of your time. Between the child and mother's heart, a sad destiny that departs. Before your eyes, from your mind to your mardi et vendredi soir, CKRL présente des émissions axées sur la musique soul, funk, blues, garage, metal et le rockabilly. Des musiques à l'image des nuits au bal du lézard. I don't care what the neighbors say. I wanna love you anyway. Le bal du lézard est fier d'encourager la radio d'ici. Lebaldulézard.com. Baby, you'll come with me, baby, you'll come with me, baby, you'll come with me, baby, you'll come with me. Cette semaine, en nouveauté au cinéma Le Clap, voyez... À la poursuite de la paix. Les Cowboys, Les Innocentes, Kubo et l'épée magique. Rendez-vous au clap.ca pour obtenir le synopsis, les bandes-annonces et l'horaire complet des films. Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. C'est une place de choix à CKRL dans votre quotidien. Durant la période estivale, CKRL vous propose une panoplie de nouvelles émissions variées. C'est encore une fois, je pense, à travers la petite histoire qu'on découvre la vérité. Et je vous propose donc ma vérité en ce qui concerne le Nord. Jean-François Arthaud vous présente Aurore boréale, le Grand Nord à travers la musique, les lundis à 17h30. Cet été, CKRL rallonge des rêves. À ne pas manquer sur la fabrique culturelle. Je ne déchiffre aucun mystère à chaque éclat de lumière. Je ferme les yeux. La poésie d'Anne Hébert, mise en musique par Sylvie Paquette. Pour la continuité de la nuit. Tout le talent d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. Cette soirée vous est présentée par... La Barberie. J'ai tant rêvé de toi. J'ai tant rêvé de toi. J'ai tant rêvé de toi. Sur le cadran solaire de ta vie. À l'émission Terra Incognita. Et oui, c'est donc... Ça fait toujours spécial après cette pub de faire un retour. Alors on a entendu juste avant la pause un extrait du nouvel album, en fait c'est paru l'an dernier ou il y a deux ans, de Curved Air, un groupe qui avait débuté dans les fin 60, début 70, et qui ont fait un retour intéressant avec cet album-là. Il y a vraiment plusieurs pièces que j'adore. C'était un extrait de la pièce instrumentale Spider. Bon, juste avant, ben il y avait eu deux groupes québécois, House, tiré de leur Nether in Heaven, House qui seront en spectacle donc le 27 janvier au Cercle prochain, ça c'est quand même plusieurs mois, mais et Mystery, c'est beaucoup plus proche, Mystery le 2 octobre au Cercle, justement tiré de leur plus récent album Delusion Rain. On poursuit en musique avec un excellent disque italien paru l'an dernier, Homunculus Res. C'est une musique plus aventureuse que le rock standard, très jazzé, très Canterbury, et on aura la pièce Ospedale Civico, et ce sera suivi d'un extrait de Rome Project 2 avec cette fois la contribution de Frank Carducci sur la pièce Seven Hills and a River, donc avec Vincenzo Riccia. Et c'est un beau projet instrumental de Rome Project, où il y a beaucoup de participation de Steve Hackett, Billy Sherwood. Et donc on débute avec Homunculus Res. Thank you. Thank you. The Rome Project 2, ça vient de sortir cette année, un peu plus tôt cette année, et cette pièce a la contribution de Frank Carducci, et c'est tous les claviers sont de Vincenzo Riccia, qui est l'instigateur de ce projet, mais chacune des pièces est inspirée par un monument ou des figures de Rome. Alors, si vous aimez cette pièce, vous allez adorer tout l'album. Et juste avant, on avait débuté avec Homunculus Res, de l'Italie. Et c'est un album, comme on le disait, très Canterbury. Là, il y avait des bouts, on était vraiment... On a l'impression d'entendre des vieux ou caravan. Il y a... sur cet album-là, un invité, Regal Worm, qui est un album un groupe que j'ai remarqué il y a 2 ans, Regal Worm, avec le Use and Ornament, leur premier disque. Et il y a sur ça une longue épopée que je veux partager avec vous ce soir, intitulée 6:17 p.m. The Aunt Turns into an Ant. Alors, il y a des narrations. Alors, il y a 3 narrations. Et plusieurs sections musicales dans ça. C'est pas mal intéressant. On y va tout de suite donc avec Regal Worm. What is this vast brown lake before me? Could it be my spilt Darjeeling? And this perfect mountain in its midst? My upturned cup? 6 legs are better than 2, so I scurry across the vast desert of flagstones to get out of the sun and find shelter. Who knows what predators lurk or hover above? Who would love to feast on a former aunt, now an aunt? Thank you. retreating legs deafeningly shakes the barren flagstones, and then silence. I stand quivering and shaking amongst my fellow ants, my saviours. They speak as one. Join with us, and 80 and 10 aphids will we sacrifice. This is our condition. Ce qu'on entend là, c'est Regal Worm, c'est du Royaume-Uni, et c'est tiré de l'album Use and Ornament, et c'est paru, ça a été publié en 2013, la pièce 6:17 p.m. The Hound Turns into an Ant. Et mais ça va terminer l'émission pour ce soir. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Bruno Côté à la mise en onde, Marc Chaunet au choix musical et à l'animation. Et restez des nôtres. Dans quelques minutes, Stéphane Villeneuve est là pour l'autoroute. On se dit à bientôt. Wandered in human form, now my soulmate I have found. Silvius, outcast you may be from the world of ants, as I too was outcast in my former life, take my leg. See, we change. Let us now, biscuit-beaked and feathered, fly into the sun. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. Téléchargez ou réécoutez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous au podcast de l'émission sur iTunes. On est branché sur l'actualité qui vous touche. Ici Dominique Lelièvre. Retrouvez-moi chaque jour en semaine dans l'émission Les Matins éphémères et à 12h30 pour un bulletin d'information complet. Restez informés en temps réel en suivant le compte Twitter de CKRL ou sur notre site web. Vous avez une information à communiquer? Écrivez-nous à info@ckrl.qc.ca. CKRL veut être vos yeux et vos oreilles sur le terrain. Soyez à l'écoute! Saviez-vous que votre radio fait partie des 7000 entreprises d'économie sociale au Québec? Implantées dans tous les secteurs à travers toute la province, les entreprises d'économie sociale emploient plus de 150 000 personnes. Cette année, plus de 2000 participants provenant de partout dans le monde sont attendus dans le cadre du Forum mondial de l'économie sociale 2016 qui se tiendra à Montréal du 7 au 9 septembre. Pour en savoir plus sur cet événement, rendez-vous au gsef2016.org. L'économie sociale pour un développement durable et citoyen de notre société. Faire le tour du monde en 3 jours, ça vous dit? Prenez part au Mondo Carnaval Culture en Fête à Québec. Les 3 et 4 septembre prochains, venez vibrer au rythme des différentes cultures du monde au lieu historique national, quartier de Brébeuf. Réalisez une véritable immersion culturelle sous le signe de la musique, la danse, les arts visuels, le sport et les découvertes culinaires. Prenez part au grand défilé carnavalesque estival sur la 3e avenue dans le quartier Limoilou. Mondo Carnaval, culture en fête à Québec, les 3 et 4 septembre. Programmation sur mondocarnaval.com.